te sens tellement libre que tu veux sortir à l'extérieur nu en criant « Je suis le printemps! » Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça promet, ça promet. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, le lundi 18 mai 2020, monte le volume et hume la différence car c'est parti mon kéké. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Après deux semaines de retard, les poissons nagent à reculons. Le soleil se regarde et se demande pourquoi ai-je commis l'irréparable. Trois heures et quart du matin, un taxi est en bas. Le chauffeur dort. Le compteur tourne. La nuit examine tout sans juger, en se laissant croire que pour une fois, il touchera un peu de liberté. Comment lui apprendre? Comment lui dire? Comment connaître le pourquoi du comment? Les vices cherchent elles-mêmes à s'extraire de ce bois. Le temps est arrivé. La récolte sera timide en hiver. Barman. Serveur. Ami. Être festif. Offrez-moi. Non, donnez-moi un dernier verre. Voilà, c'était une expérience unique que vous avez entendue à Errance Rénadienne. J'adore prendre une chanson instrumentale et dériver par la narration à une... à une création libre et sans aucun filet, madame, mademoiselle. Vérifiez, vérifiez, il n'y en a pas. Est-ce que je peux toucher? Toucher! Toucher! Toucher! La tortue arrivera! Oh! Par le sentier le moins cloisonné. Cloisonné, excusez-moi. J'en perds mes oiseaux. Qu'ils ne sont... Non, ils ne sont plus en cage. Et ce soir, c'est l'émotion sur le bord de l'eau et la larme près de l'œil qui me fait plaisir de vous annoncer que c'est la plus courte improvisation depuis des lustres à mon émission Errance Rénadienne. Et la semaine prochaine, dites-le à tout le monde, la semaine prochaine, une émission spéciale, la 800e à CKRL de mon émission. Donc, ce sera tout à fait déjanté. On a commencé tranquillement à dévisser les chaises, à laisser tomber les tables et les tabous, surtout les tabous, les tables, il suffit d'enlever les écrous et d'examiner la chute. C'est beau, une chute. Et elle doit, pour qu'elle soit acceptable, c'est comme tout le reste, ça doit être réussi. Et comment réussir sa chute? Bonne question, monsieur. Vous êtes un colonel? Oh! Un mousseron. Vous êtes un mousseron. Bien, il faut commencer, comme je le dis souvent, en bas de l'échelle. Quand tu vas être en bas, tu vas tranquillement. Pas trop. Parce que si tu y vas d'une manière instantanée, ça risque de ne pas fonctionner. L'instantanéité dans le milieu, dans ce milieu-là, c'est impardonnable. Impardonnable. Tu dois manger tes croutons et le crouton par crouton. Hein? Mettre à peine du liquide parce que je sais que ça ramollit, c'est plus facile à la digestion. Mais non, non, non, non, non, non. La dureté égale la réussite. Parce que si tu commences trop facile, bon, ça va aller bon à malin. Bon à malin, bon à malin. Je vais voir la vieille bon à malin. Je vois courir mon cœur, c'est ainsi, dans les larmes de la mer. Se trouvent les joyaux les plus. Ce soir, non, j'ai pas les wa-wa-wa. Comment ça, j'ai pas les wa-wa-wa? Non, c'est dans mon deuxième studio. Si vous le saviez pas, j'ai deux endroits où j'enregistre mes émissions. Ici, dans le studio principal d'Errance Renadienne. Mais depuis quelque temps, la majorité des émissions se font de l'autre côté, qui se trouve à être mon salon. Et j'ai une console, faites-vous-en pas, là. C'est la qualité sonore, là. C'est vraiment de la watt. Car de toutes les matières, c'est la watt qu'elle préfère. Pensive, elle est passive. Dans son négligé de soi, c'est la watt. Mais non, c'est pas SWAT. L'équipe SWAT, ça, c'est après. Tu cherches la watt, tu ne la trouves pas, et là, c'est... Ça ressemble à ça. Nous voulons avoir le générique qui tient la route, s'il vous plaît. C'est par là la musique. Et ensuite de ça, on peut poursuivre et raconter l'histoire de Sonic and the Banblees. Sonic and the Banblees. Banblees. Banblees. Lili, maison des Lili, six feuilles de Lili, ça finit par is la fin. Lili, un peu comme oh baby Lise, baby Lise, baby Lise, je ne sais que toi. Oh baby Lise, baby Lise, je ne sais que toi. Oh baby Lise, oh baby Lise. Oui, oui, ça embrasse la jambalaya. La connais-tu, Jambalaya? Là, j'ai pas mes caraquettes, j'ai pas ma Twisters Misters. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est dans le deuxième. Ah, oh, on a celle-là. Quand tu chantes ça, ben quand tu joues ça, c'est très important de connaître tes chiffres jusqu'à 3. Parce que c'est à 3 que tout commence. L'appartose se met en branle. C'est la surboom. Tout le monde danse les confettis. OK? 1, 2, 3. Moi, je joue la version instrumentale francophone. Et si la jolie Sylvie s'ennuie de moi, je n'ai pas oublié ce beau temps-là. Et j'en garde le souvenir au fond de mon journal secret. J'en ai 6. 6 livres. 6 bouquins dans lesquels je confie toutes mes visions créatrices sans aucun... Non, c'est pas édulcoré, monsieur. Ça n'a jamais été. On donne la vérité. On essaie d'en couper le moins possible, de rester intègre dans notre lancée. Qui dit lancée? Règle générale dit réception, attraper la chose, attraper la proposition, la phrase, le sens. Attraper pour mieux la relancer. Comme au cinéma. Cinéma, j'aimais ça, le cinéma. On appelle ça, c'est en anglais, mais il y a un terme en français. Chant contre chant. Seul chant contre chant, c'est de toute beauté. 2 personnes, un de face, un de dos, et à chaque fois que l'artiste prend la parole, hein? L'artiste, le créateur, le comédien, prend la parole, bien là, on change de plan de caméra pour voir la personne qui parle de face et celui qui écoute de dos. Et quand la personne transfère le dialogue à l'autre, eh bien, c'est l'autre qu'on voit de face et celui qui parlait est de dos. C'est assez clair, ça? Ça, c'est comme initiation au cinéma pour les nuls 101. Mais moi, c'est 101 léger. Pas trop de lecture, beaucoup d'images. Parce que les gens veulent connaître rapidement le résultat. Veulent pas le s'embourber à lire, puis à vérifier la bulle 3 avec l'écriture 2, puis descendre à la page 72, revenir à la page 3. À un moment donné, t'es comme dans un labyrinthe. Sans David Bowie. T'as-tu vu le film Labyrinthe avec David Bowie? Moi, j'ai jamais vu au complet. Là, on peut cataloguer ça dans le style film grand public. Mais moi, comme je ne suis pas un grand public, un rien me fait critiquer. Surtout au cinéma. On a baissé le discours sans bon sens à cause d'une chose. Ben, 2 choses. Dans les années 80-90, le vidéoclip a fait descendre le cinéma d'un cran. Et là, c'est la télévision réelle, la télé-réalité. Comme si ceux qui l'ont fait avant, parce qu'il y en avait au Québec, il y a eu Michel Brault, puis il y a eu aussi, ben oui, pour la suite du monde. Tu te souviens pour la suite du monde? Tu n'as plus de mémoire là-dessus, là. Mais, oui, je le sais, j'ai l'air un peu à chercher, mais je veux... c'est pas Pierre... Moi, j'ai dans la tête Pierre Bourgault, mais c'est pas ça du tout. Pour la suite du monde, et puis il a été à Cannes, et après ça, ben, il en a fait plein, dont La Bête lumineuse, Pierre Perrault. Bon, il fallait que je dise Pierre Perrault, Bête lumineuse, c'est le film qui m'a le plus... que je préfère de son œuvre. Pour plusieurs raisons, c'est vraiment pas le mieux coté, mais c'est l'histoire racontée qui me touche énormément. Et en France, ben, il y a Raymond Depardon, excusez-moi, c'est M. Depardon, qui, lui, s'est penché sur les ruraux, les gens de la campagne. Après ça, les assises, la cour, contrairement à Pierre, voyons donc, pour la suite du monde... La Bête lumineuse. Bon, le blanc en question que j'ai encore, là. mais que je vous ai dit tout à l'heure, là, j'avais de, c'est la bête lumineuse, pas Sylvain Trudel, ça c'est le souffle de Manal. De Manal. Ah, Rebecca, je te l'ai mentionné là, tout à l'heure. J'ai pas pris ça en note. Ça m'arrive des blancs. Surtout quand tu as un micro. Quand il n'y a pas de micro, j'en ai pas de blanc. Je te parle ça naturellement. Ça glisse comme sur du babeur de Saint-Exupéry. Et ça revient dans une bouche qui n'attend qu'une chose, se faire alimenter par la plus intéressante des réflexions. Et pas Pierre Bourgault, c'est l'Université Laval. On a ses archives. Puis j'ai eu la chance de le rencontrer. Alors, celui-là, là. Donc, c'est ma plus courte improvisation aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce que je rencontre en une seule soirée mon ami Alexandre Perreuil. Alors, on va commencer l'introduction. Aujourd'hui, le lundi 18 mai. La semaine prochaine, c'est la 800e. Préparez-vous, car ce sera sans tambour ni trompette. Mais on va faire vibrer les ondes d'une manière sensationnelle. Pas sensationnaliste, sensationnelle. Ça sera c'est sûr. Gaétane a smaqué depuis 3 semaines, elle veut être prête, elle. Hey, tout le monde est sur le coiffeur, mais il n'y a pas de coiffeur. Donc, ils vont s'auto-coiffer. Heureusement que c'est de la radio. Aujourd'hui, parce que j'ai vu là, une ébauche, là, je me dis, monsieur, on ne peut pas remettre ça dans 2 ans, là. Fais-toi la coupe rose bonbon parce que, pas rose bonbon, mais rose bonbon. Ah, bordou. C'est dur, ça, Paperman. Aujourd'hui, le lundi 18 mai 2020, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises. En manque de direction, oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'auteur, compositeur, interprète Alexandre Perreuil. Un homme tout à fait charmant, intéressant, brillant, qui nous fera part de son univers à partir de maintenant. 800e la semaine prochaine! Chère Monica Bellucci, lisez-la cette lettre, je vous en supplie, il y va de ma vie. Non pas de déclaration, même si c'est bien d'amour dont je veux parler, je vais vous expliquer. L'objet de ma demande peut vous sembler étrange, une extravagance, tant pis, je me lance. Mon parcours amoureux, souffrant d'intermittence, j'aimerais vous citer en tant que référence. Ça lui donnerait du sens, du peps, de la nuance, de pouvoir vous compter parmi mes expériences. Ça doperait ma confiance, ça me porterait chance de mentionner dans mon CV. J'ai bien connu Monica B. Le marché du célibat est blindé de chez blindé, la concurrence est acharnée. Sur les mensurations ou sur les performances, c'est à la surenchère que cèdent mes confrères. Moi je ne tire aucune fierté de mentir sur mon passé, je ne peux risquer de me faire dépasser. Ça doperait ma confiance, ça me porterait chance de mentionner dans mon CV. J'ai bien connu Monica B. Ciao Bella, come va? Appelez-moi Casanova. Effet sublimé, comment vous remercier? À peine envoyé, mon CV était flashé. Invitée par mes, elle m'a allumé. Vous appréciez l'Italie et ses charmes féminins. Aimez-vous aussi les baisers florentins? 3 ans chez Monica B. J'suis plus qu'impressionné, mais c'est terminé comme avec Carla B. J'ai aimé sa fermeté, surtout celle de ses baisers. Ouvrez grand les portes, j'suis fait pour le poste. Ça offrerait ma confiance, ça me porterait chance de mentionner dans mon CV. J'ai bien connu Monica B. Très heureux. On est sur une jolie terrasse. Oui, l'été, il fait beau. Ouais, pas de pluie. Franchement, c'est le bonheur. Oui, c'est vrai, c'est merveilleux. Alors, je suis heureux de te voir ici à Paris parce que tu es quand même un besogneux, tu es un créateur qui vraiment forge. Tu travailles dans ce milieu-là depuis à peu près combien d'années? Alors, on va dire que je m'occupe d'un petit théâtre en tant que programmateur, artiste, accompagnateur d'artistes depuis 8 ans. Mm-hmm. Voilà, le petit théâtre du bonheur. Et tout le monde en parle, hein, quand je rencontre des chanteurs, chanteuses, ils sont passés par là assez souvent. Oui, même des amis québécois, ouais. Ouais, ben oui. Ouais, ben oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de prendre ce petit théâtre-là? Ça s'est fait assez naturellement, en fait. C'est un lieu où je venais répéter parce que j'ai voilà. Il y a quelques années, j'étais comédien, j'ai travaillé sur un spectacle. Bonjour. Bonjour. Moi, je prendrai un café, s'il vous plaît. Moi, un jus d'orange, s'il vous plaît. Ouais, donc... Donc, tu étais déjà là ouais, à l'époque? Ouais, avant que ce soit un petit théâtre. Ok, c'était quoi, hein? Alors, un bon... Ah, bon, voyons, donc ça rachète les amis. Merci, ouais. C'était un appartement. Ok. Hein, c'était un appartement et voilà, un certain monsieur Silvio Pistone, qui était un ami qui m'avait mis en scène sur un spectacle, a décidé de transformer cet appartement en espace culturel. Il a créé l'association Au Petit Théâtre du Bonheur. Donc ça, c'était... En tout cas, le nom est super. Ouais, donc ça remonte déjà à 2008. Ouais. Et donc moi, je venais dans ce lieu voilà, dès la genèse, mais je suis parti bon, pour le travail. Pendant 3 ans et demi, voire même 4 ans dans le sud. Et quand il m'a proposé dans quel, quoi, Marseille, hein? J'étais à Béziers. Béziers, ok. Ouais. Mais moi, à la base, je viens du nord-ouest. Okay. Donc c'est vraiment la région nantaise. Ah oui. Et bon, bref, voilà. Silvio me propose de venir m'occuper du petit théâtre en tant que programmateur. Pourquoi moi? Parce que d'une part, il me connaissait, il m'avait déjà mis en scène. Et puis, moi, je lui avais dit que j'avais envie de revenir sur la capitale voilà, pour penser un petit peu à moi et essayer de développer ma carrière. Et j'avais besoin d'un logement. Et au-dessus de ce petit théâtre, il y avait un logement. Ah, mais lui n'habitait pas en haut. Lui, non. Okay. Non, voilà. Donc, je suis venu m'installer en 2011 voilà, pour y vivre et pour m'occuper de ce petit endroit voilà, dont j'ai glissé un petit peu mes envies d'une part et puis mes goûts personnels et j'ai invité les artistes que j'aimais quoi. Ouais. Voilà, après le bouche-à-oreille a fonctionné, c'est fait. Mais tu avais déjà un réseau pour... Il faut savoir qu'avant moi il y avait déjà un programmateur italien. Donc nous, on fait ça de manière bénévole, complètement. C'est une association. Il y avait un programmateur italien qui a développé son réseau. Mais on va dire que quand moi je suis arrivé, j'ai pas récupéré tous ces contacts. Okay, il y avait quand même un carnet d'adresses. Il y avait un carnet d'adresses, mais surtout d'italiens et d'anglophones. Oh, voilà. Okay. Beaucoup. Et moi, toi, tu voulais te centrer dans, bien sûr, la francophonie, dans toute cette... Ouais, mais ça s'est fait assez naturellement parce qu'on est bien placé en plein cœur de Montmartre. Il y a beaucoup d'artistes qui passent devant. Alors, en effet, beaucoup de touristes étrangers, d'artistes étrangers qui viennent jouer aussi dans les rues ou dans différents lieux parce que ça fourmille dans les cafés, ouais. Et il se trouve que dans le quartier, il y a aussi des artistes locaux qui ont vu... Donc des jeunes et des moins jeunes, sans vouloir être... Non, c'est pas péjoratif, voilà, on vit tous. Donc ça l'est pas tous, normal, ouais. Mais voilà, donc certains qui ont connu les cabarets, Mais au moins, c'est pas sclérosé, c'est pas uniquement consacré aux jeunes, c'est ça, c'est très souvent. Ah non, non, non, mais justement, c'est ni sclérosé par rapport à l'âge, ni par rapport à l'origine, voilà, à la provenance, c'est... Ou style musical non plus, c'est de la francophonie. Ah, non, non, non, il n'y a pas que de la musique d'ailleurs, il y a aussi de la comédie. Ouais, ouais. Donc, ouais, ouais, non, c'est vraiment un bonheur parce que les gens sont venus à moi rapidement et le réseau s'est développé très naturellement. Le bouche-oreille s'est fait assez rapidement et puis voilà, le réseau s'est fusionné avec d'autres réseaux. Ouais. Voilà. Et ça s'agrandit tranquillement. Et ça s'agrandit tranquillement. Et à 11 ans, c'est quand même devenu ce que c'est devenu, tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Tous les chanteurs, les chanteuses, les groupes que je reçois vont un jour ou l'autre passer par ton petit théâtre. Ben ouais, ouais. Et j'en suis fier, je suis content, j'ai fait plein de belles rencontres. Ouais. Ouais, ouais. Mais là, c'est bien beau que ce soit bénévolat, mais du bénévole, mais qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie un peu? Est-ce que c'est en rencontrant ces artistes-là que tu collabores souvent à leur projet? En fait, moi, mon objectif au départ, quand je me suis dit, allez, j'ai jamais fait ça, mais je me lance, étant parti pendant 4 ans voilà, dans le sud de la France, je m'étais fait un réseau auparavant sur Paris et je me suis rendu compte que ce réseau c'est plus ou moins dissous. Okay. Il y a les amis artistes, merci madame, les amis artistes qui se sont mariés, qui ont fait des enfants, qui ont choisi de faire un changement de vie. Voilà, et quand je suis revenu, j'ai pas forcément retrouvé tous ces amis et tous ces contacts. Et je me suis dit c'est l'occasion de recréer mon propre réseau. Et comme moi, j'avais aussi besoin d'aide pour ouvrir des portes, parce que je joue également. Pour ta carrière à toi. Pour ma carrière à moi, je me suis dit c'est l'idéal, on va créer des échanges. Et dans un premier temps, j'ai surtout, on va dire, travaillé entre guillemets, mais voilà, collaborer avec les artistes, voilà, pour eux plutôt que pour moi. Okay. Bien que moi, je prenais le plaisir quand même, évidemment. Et je le prends toujours. Heureusement, ouais. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, ou plutôt les autres m'ont dit, mais il serait peut-être temps que toi aussi tu montes sur scène. Ça, c'est 2000 à peu près. Pardon? 2000, 2001. Ah non, là, je parle de mon engagement au petit théâtre. Je suis arrivé au théâtre à Montmartre en 2011. Ouais. Bien que je sois arrivé à Paris en 2003. Okay. Mais le petit théâtre, pour moi, l'histoire en tant que programmateur commence en 2011. Ok. Donc, ce que je voulais dire, c'est que 2011-2012, je m'occupe surtout des autres. Ouais. Et on va dire à partir de 2013, je remonte sur scène au petit théâtre en me disant, voilà, moi aussi j'ai le droit. Et tu travailles sur ton... Ben oui, et je travaille sur mes chansons. Ouais, exactement. Et avais-tu déjà une idée de ce que tu voulais proposer? Parce qu'à force d'écouter les autres, tu peux savoir déjà quel est le style de chacun. Quelle est un peu la tangente de la musique dans ce petit endroit et ce que toi tu vas exploiter. Mm-hmm. Alors tu devais avoir déjà des belles idées pour aller de l'avant, pour ta carrière à toi. Ah, pour ma carrière personnelle? Oui, ouais, bien sûr, évidemment. Mais c'était pas tout à fait déterminé. C'était pas déterminé, ça s'est construit petit à petit. Okay. On va dire que ça a été déterminé à plusieurs moments de ma vie, mais j'ai grandi avec les artistes en écoutant certaines choses à la radio et forcément tout ça, ça évolue. Hein. Ouais. Ça évolue, donc par exemple, si on réécoute les albums que j'ai pu faire, les projets sont totalement différents. Hein. Et c'est ça aussi que tu recherches. Et c'est ça qui m'intéresse. Ouais. C'est de toucher à tout. Ouais, il y a quelque chose d'assez logique, même par rapport aux artistes que je reçois au petit théâtre. Je veux pas être figé dans un style. Ok. Voilà. Okay. Même si moi j'essaye d'être cohérent dans mes projets. Personnel, hein, quand j'en développe un, mais je peux aller d'un style à un autre, d'un projet à l'autre. Voilà. Ouais. Donc là, je suis très fier. Je pense. D'avoir enfin trouvé l'identité donc je suis en train de préparer le prochain album en solo. Est-ce que c'est le premier solo que tu... c'est le premier solo que j'enregistre. Okay. Ouais. Mais ça fait longtemps que tu roules ce projet-là. On va dire que ça fait... Oui. Je suis arrivé en 2003 à Paris, donc je jouais déjà. Mais t'as-tu placé en sourdine un peu ta carrière? Voilà, complètement même, on va dire. Ouais, je faisais pas la timidité faisant... T'es un grand timide? Moins aujourd'hui, là. Moins aujourd'hui, mais sur scène, il y a quelque chose qui est magique. Je suis pas le même sur scène. C'est ça, ben non. Tu transcendes tout ça, la gêne, c'est la fatigue et tout ça. Ouais. Donc, je vous laisse poser les questions parce que sinon je m'éparpille. Non, vas-y. Mais ton travail solo, qu'est-ce que tu veux apporter? Qu'est-ce que tu veux mettre comme grain de sel sur ce disque-là? Parce que, en fait, c'est le premier disque, véritablement premier disque. Et donc, c'est ta carte, oui. Alors, c'est le premier disque, on va dire, c'est le disque peut-être le plus personnel. Okay. C'est pas le premier disque. On va dire, disons que je ne veux pas éclipser les projets sur lesquels j'ai collaboré avec d'autres artistes. Non, mais c'est pas ton nom, c'est ça. Si je dois parler de ce que je suis en train de faire, il me semble important de parler de ce que j'ai fait avant. Ben oui, ben pour oui. Pour pas éclipser les artistes qui ont travaillé avec moi. Qu'est-ce que tu fais, mon petit bonheur? T'es parti où? Je t'attends depuis un paquet d'heures au bord des clous. T'as traversé, mon petit bonheur, ma vie de fou. Le temps de me faire des bulles dans le cœur et des jaloux. Des gros jaloux. Qu'est-ce que tu fais, mon petit bonheur? J'ai rendez-vous. Avec qui? Avec tes yeux parfois moqueurs, mais tellement doux. Ah, ça va alors. On s'était dit qu'on s'aimerait pas ou pas beaucoup. Mais c'est raté, je pense qu'à toi quand je mets les bouts. Je veux te faire plein de petits bonheurs. Si tu le veux, tu me fais plein de petits bonheurs. Oui, faisons-le, ça nous fera au bout du jeu. Plein de petits bonheurs à deux, plein de petits bonheurs à deux. Faut que je te dise, mon petit bonheur, depuis que t'es là, même les murs sont de bonne humeur dessous mon toit. Tu m'as planté tellement de soleil dans mes chansons que le matin quand je me réveille, y'a plus de saison. Faut que je te dise, mon petit bonheur, tu m'as sauvé. Des coups de bambou, les arnaqueurs et des croche-pieds. La vie en rose, comme disent les fleurs, c'est merveilleux. Tu es mon martre, mon enchanteur de but en bleu. Je veux te faire plein de petits bonheurs. Si tu le veux, tu me fais plein de petits bonheurs. Oui, faisons-le, ça nous fera au bout du jeu. Plein de petits bonheurs à deux, plein de petits bonheurs à deux. La la la la la la la la la Tu le veux, tu me fais plein de petits bonheurs. Oui, faisons-le, ça nous fera au bout du jeu. Plein de petits bonheurs à deux, plein de petits bonheurs à deux. Je veux te faire plein de petits bonheurs. Si tu le veux, tu me fais plein de petits bonheurs. Oui, faisons-le, ça nous fera au bout du jeu. Plein de petits bonheurs à deux, plein de petits bonheurs à deux. Je leur dois quand même. Voilà, c'est ce chemin. Ouais. Donc, ouais. C'est une école en soi aussi. Ouais. Donc le premier disque que j'ai fait à Paris, c'était en 2015, donc ça s'appelait Casanova. C'était mes chansons, mais j'ai voulu le faire avec un ami, musicien, arrangeur, pour être moins seul sur scène, pour être plus fort. C'était déjà mes chansons. Okay, c'est la crainte, toi, au début, de te retrouver seul devant le public. Ouais, alors, c'est ça. Entouré. Exactement, je me suis entouré, ouais. Donc j'ai commencé avec ce projet-là, donc on a sorti un EP. Donc on a fait de nombreuses dates, dont un bon paquet au Petit Théâtre également, avec mais Joseph ces Noya. Mais ces chansons-là avaient vécu beaucoup sur scène avant. Ah ben je les avais beaucoup chantées auparavant, seul. Ah oui. Et je me suis dit, bon, allez, sur Paris, je me sens encore un petit peu léger, je vais m'entourer d'un guitariste solide, de plus bon arrangeur, qui a son propre studio. Okay. Comme j'avais pas trop de moyens pour enregistrer, eh bien on a collaboré, on a trouvé un terrain d'entente. Ouais. Ça a très bien fonctionné. Voilà, je suis ravi de cette rencontre. Et puis ça, cette rencontre avec Joseph Noya, donc sur le projet Casanova, m'a emmené à rencontrer une autre artiste avec laquelle j'ai collaboré pour le second opus. Donc ça s'appelle Petit Bonheur à deux. J'ai collaboré avec une artiste que je programmais au Petit Théâtre avec un spectacle complètement différent. Là, on était plutôt dans le Cap Ponce. Moi, je me faisais un plaisir de la programmer. Elle s'appelle Charlotte Grenat et elle venait me voir sur mon projet Casanova. Et elle m'a dit, pourquoi tu m'as jamais demandé? Moi, j'aimerais beaucoup écrire pour toi aussi. J'ai dit, ouais, mais à fond, banco. Elle, il faut savoir qu'elle avait déjà son chemin d'auteur. Elle a écrit pour Reggiani, Gilbert Montagnier et j'en passe d'autres. Elle vient de l'école Claude Lemel. Ah oui, bah c'est oui. C'est une très bonne amie à lui. Et voilà, donc je me suis dit... C'est quand même flatteur. Ouais, c'est flatteur, merci, je n'osais pas te le demander. Mais tu ne voulais pas écrire au début, toi? J'écris, mais je suis très long à écrire. Ok. Et on va dire, j'écris des textes qui sont peut-être mieux pour les autres que pour moi. Ok. Ah ouais, c'est hein, ouais, ouais, ouais, ouais. Parce que tu es trop collé au sujet? Peut-être. J'ai une manière d'écrire qui est... Bon, ce n'est pas péjoratif encore une fois, plutôt très romantique. Okay. Et je voulais pas me contenter. Ouais, je voulais pas me coincer en tout cas dans cette. Confiné dans ce ouais, style. Exactement, parce qu'après on nous colle rapidement des étiquettes. Ouais. Et non, je voulais sortir de mon personnage de. Moi, je suis le romantique dans la vie, mais sur scène, je voulais affirmer quelque chose d'un peu plus. Énigmatique. Ok. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, et puis elle a trouvé vraiment la ligne médiane de ce que tu voulais dire. Ah, à force de discuter, bien à sûr. À force de discuter. Ah, oui. À force de discuter. Et puis voilà, elle aimait ce qu'elle voyait sur scène, ce qu'elle entendait. Donc elle a eu envie de collaborer. Donc, moi, je lui ai dit, écoute, faisons plutôt quelque chose ensemble. Tu écris bien, tu chantes bien. Encore une fois, j'ai envie de monter sur scène seule, mais ouais. Là c'est encore un peu trop tôt. Elle a voulu que je l'accompagne sur scène sur ses chansons. Elle, je lui ai dit non, on va faire un spectacle ensemble. Okay. Et on a écrit un spectacle ensemble, donc, qui était très théâtralisé au départ. Okay. Le spectacle s'appelait Petit Bonheur à deux. Ouais, c'est beau. Ouais, donc on a démarré ici, donc ça fait déjà maintenant 3 ans. Ouais. Ok, c'est quand même assez récent. Puis petit à petit, on s'est dit, mais on avait de plus en plus de chansons et on est obligé d'en laisser sur la touche parce qu'on ne peut pas tout jouer, sinon c'est trop long. On s'est dit, allez, on enlève toute la partie théâtrale, ou du moins ce qu'il y avait entre les chansons, et on se concentre sur la chanson. On a un récital, version récital. Ouais, exactement. Ouais. Et là, on est parti sur quelque chose de plus concentré donc, sur la chanson et on s'est dit... On va enlever à deux, on va garder Petit Bonheur. Ouais. Comme ça, on s'enferme pas sur nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Et on embarque le public avec nous encore plus. Bah, c'est vraiment c'est fédérateur. La participation Ouais, ouais, ouais. Ah, mais là, c'est surtout, c'est vraiment un répertoire fédérateur. D'ailleurs, je vais vous laisser. On se tutoie. Ouais, je vais te tutoyer. Mais c'est. Ouais, c'est pas grave, c'est. La première rencontre, j'attends toujours qu'on me demande. Ok. Mais j'ai mais normalement, je le dis avant de prendre le micro. J'ai une facilité à tutoyer. Bah, moi aussi. Bah, je suis ravi en tout cas de. Parce que c'est plus direct, hein. De cette rencontre. C'est c'est moi en plus. Tutoyons-nous, c'est parfait. Bah oui. Ça, c'est ton album que t'as fait. Alors, ça, c'est le dernier. Okay. Petit Bonheur à deux, donc avec Charlotte. Ouais. Qui aujourd'hui. Ça représente Charlotte. Ouais, exactement. Et aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le dessin, parce que c'est merveilleux. C'est beau, ouais, c'est... alors, bah, c'est un croquis. C'est un croquis qu'on a fait à deux avec Charlotte. Et puis, on a fait retravailler ça par une artiste, donc Katharina von Salpel, qui a son atelier tout près d'ici. Okay. Et ensuite, le fils de Charlotte, qui est graphiste, a tout réarrangé. Okay. Pour donner une vraie identité au niveau des couleurs. Retoucher les traits. Ah, mais lui, j'adore. Hein. La photo est sublime. Alors ça, c'était juste avant ça. C'est le premier projet que j'ai enregistré. Okay. Quand j'étais au Petit Théâtre. Quand je suis arrivé au Petit Théâtre, ouais. Donc, c'est ça. Lui, toi, t'es en bas des marches. Ça, c'est des marches, ça, ici. C'est des exactement, escaliers. Ouais. Et là, c'est une plongée. Exactement, ouais. C'est super. Ouais, je suis très content de ce projet-là aussi. Il y a des gens qui ont des idées assez, parce que ça coûte pas cher, là. Hein. C'est vraiment une photo. faut avoir l'idée, après ça tu montes et tu prends la photo. Et, ah mais moi je suis convaincu que aussi bien dans la musique que dans beaucoup d'autres arts, la simplicité peut payer aussi. Ah oui, il faut juste avoir la bonne idée. Oui. Bon, évidemment, après quand on a le bon matériel, on fait de meilleures choses. Mais, on n'est pas obligé aujourd'hui d'avoir un orchestre symphonique. Non. Évidemment, c'est génial. Et surtout d'avoir un photographe là, professionnel. Oui, voilà. Donc, pour ce projet-là, après, c'est des rencontres. Ouais, bah, toujours. Il se trouve que voilà, le beau-frère de Joseph, chante avec moi sur ce projet, qui joue avec moi sur ce projet de la guitare, est photographe, donc voilà. En plus de ça, il se déplace dans les salles pour photographier les artistes, donc c'est la chance des rencontres. Ben oui, il faut l'accepter. Oui. Ah, mais c'est ça, c'est ce plaisir-là de se faire connaître, de se faire voir, surtout avec des photos professionnelles, c'est toujours... Ouais, vraiment. Avec la personne qui connaît la photographie, qui connaît les angles, qui connaît la façon dont... On peut poster une photo, comment on peut... le langage de la photo, c'est donc... comme je te disais, c'est un véritable cadeau. Quand c'est super important pour moi, ouais. Quand je montre un disque, il doit faire envie, ce disque. Ouais. Même si on ne connaît pas la musique, déjà, de le voir... C'est vrai. C'est un bel objet. Même si ça se perd, l'objet. Ouais, malheureusement. Bon, ouais. Dans tous les cas, il faudra toujours un visuel, même si on n'a pas l'objet en main. Que ce soit sur Internet. Mais ou oui. Mais est-ce que tu sens qu'il y a un fil conducteur entre le premier album et celui-là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que dans ce. Alors, le fil conducteur. Je me suis pas mal éloigné, vraiment, mais... Volontairement, je veux dire que c'est la maturité au moment. Parce que quand j'ai fait le premier album Casanova, ce sont des chansons que je traînais déjà depuis 10 ans. Ouais, ok. Petit Bonheur, c'est un projet entre moi et Charlotte. C'est-à-dire qu'elle a mis de sa patte, j'ai mis de la mienne. Et tout ça, ça a donné un autre univers. Le projet sur lequel je travaille aujourd'hui, j'ai gardé la sincérité que j'ai toujours eue, voilà. Je ne triche pas, je suis moi, voilà, j'ai besoin de dire des choses et je ne chanterai pas si je voulais, si c'était pour dire des choses, voilà, exactement. Donc il y a toujours cette sincérité-là, mais avec la fraîcheur du moment, c'est-à-dire que là, j'ai pas attendu avant d'enregistrer. Okay, c'est une chanson que j'ai composée l'année dernière. Et dans la foulée, j'enregistre. Okay. Là, j'ai travaillé sur des textes pour le moment, parce que j'en suis au début du projet. Ouais. J'ai travaillé sur des textes que Charlotte, justement, du projet Petit Bonheur à deux, m'a écrit. Ouais. Donc moi, je fais toutes les compositions. Okay. Musique, alors. Voilà, je me dis que je reviendrai au texte plus tard. Les mots arrivent avant, puis la musique après. Ah ouais. Okay. En tout cas, pour le moment, sur les premières chansons enregistrées, Charlotte m'a confié les textes et moi j'ai couché la musique dessus. Est-ce que tu lui fais modifier des choses ou tu prends ça comme ça parce que c'est tout à fait prêt, tout à fait... Généralement, c'est prêt. Et après, c'est une artiste qui a besoin d'être assez libre. Okay. Qui a besoin qu'on lui fasse confiance et je sais que si je dois lui demander de faire une petite rectification, je peux. Elle ne sera pas offusquée. Elle sera pas offusquée, ça dépend. Okay. Ça dépend. Disons que je respecte beaucoup. À la limite, si vraiment il y a trop de choses qui me plaisent pas, je lui dis bah non, ce texte il est pas pour moi et puis elle m'en écrit un autre. Ouais. Mais voilà, j'essaye de lui laisser la totale liberté. C'est une artiste qui aime pas qu'on lui mette de barrières. Anita, le souffle de tes yeux me projette si loin de moi. Je fais des allers-retours aux cieux, tel un demi-dieu. Anita, sous ta main de feu, mon corps est une fournaise. Et j'attends là, tel un bienheureux, que tu en ranimes. comme les braises. Anita, quoi d'autre me consume? À une douleur, je perds des plumes. Ouais, je vois des hommes qui te font la cour, rôder te tourne autour. Toi, tu me réponds, pauvre fou, de notre paradis, y a que nous. Ta jalousie nous enchaîne, et notre amour perd en audace. Quand tu blottis ton cœur sous mon aile, et moi ma tête dans tes bras, je revis pour un instant un nouveau printemps. Anita, ma vie serait un mystère si je ne t'avais pas découvert. Si tu ne m'avais pas laissé faire, tout laissé faire pour te plaire. Anita, avais-je un trou béant à la place de mon palpitant? Tu tisses une toile de sentiments. Comment vivais-je sans un vent? Anita, j'ai encore à mes heures des peurs d'oiseaux migrateurs. Oui, il doit faire si froid sans toi. Ne m'échappes-tu pas déjà? Toi, tu me réponds, pauvre fou, dans notre paradis, y a que nous. Ta jalousie nous enchasse, et notre amour perd en audace. Quand tu blottis ton cœur sous mon aile, et moi ma tête dans tes bras, je revis pour un instant un nouveau printemps. Je revis pour un instant un nouveau printemps. Dans la liberté, on est plus, on peut écrire plus facilement. Ouais, on pas c'est ça. Et puis on commence à se connaître quand même très bien. Elle sait quels mots iront bien. Qu'est-ce que tu veux utiliser aussi comme mot? Tu veux pas non plus te travestir à travers. À travers des idées ou des phrases qui ne sont pas Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est, elle écrit quand même des choses que moi je n'oserais peut-être pas écrire ou dire. Ah oui. Et dans le style de ce que je suis en train d'enregistrer, il y a peut-être une part que j'ai cachée jusqu'à maintenant et que j'ose dire parce que c'est je lui ai confié, mais c'est elle qui les a écrits. Donc, il y a un côté, j'assume plus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vu par un point de vue féminin. Ça donne peut-être une partie... Alors il faut savoir que, à part les textes que j'écris, ce ne sont que des femmes qui écrivent pour moi. Ah oui, c'est ça, donc c'est des points de vue féminin. Ouais, même le premier album, Casanova, là... À part un texte qui est de moi, ou deux plutôt, les autres sont d'une amie féminine. Ouais. Mais pourquoi tu veux pas te consacrer entièrement à l'écriture de tes... J'y viendrai. Ok. Parce que là, c'est pas encore prêt, t'es pas encore... Oui. C'est trop lent, la sortie des mots. Quand on attend, on a des périodes où on est en pleine, comment on va dire... Effervescence. En ce moment, je suis pas dans l'effervescence de l'écriture. Okay. Je veux pas perdre de temps. Okay. Il se trouve que je fais des rencontres d'auteurs qui me confient de très beaux textes et qui me collent à la peau. Donc, allons-y. Il faut avancer dans ces cas-là. Il faut pas refuser ça. C'est un cadeau. Mais pour que ces chansons-là te collent à la peau, il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de confidences. Alors, c'est presque une psychanalyse. Charlotte, pour le coup, On s'est vu presque 5 jours sur 7 voilà, pendant plusieurs années, donc forcément... Ah ouais, mais là, elle te connaît par cœur. Ouais, on se voyait tous les jours pour essayer d'écrire des choses, trouver des idées, voilà, donc là, on peut dire qu'on me connaît assez bien, oui. L'ami Raphaël Jopin qui a écrit sur l'album Casanova, pareil, je me suis beaucoup confié. D'ailleurs, je travaille avec des personnes qui ont besoin de connaître les artistes pour qui elles écrivent. Je pense que... Pas écrire n'importe quoi, quand même. Ouais, sauf si c'est une commande, voilà, pour une maison de disques. Sur un sujet, sur quelque chose, exactement. Elles peuvent broder assez facilement autour ouais. de... Ouais, mais moi, pour moi, personnellement, ça m'intéresse pas trop. Je veux vraiment que ce soit qu'il y ait une vraie sincérité dans... Ben parce que tu montes sur scène en plus pour défendre ces chansons. En plus, ça se ressente. Si moi je le vis, c'est que je prends du plaisir, je donne du plaisir aux auditeurs. Il faut que tu te sentes à l'aise aussi dans ces chansons. Mais ouais. Et pour parler du dernier projet, dont je n'ai pas encore trouvé le nom d'artiste. Ah, tu ne vas pas partir sur ton nom. Peut-être que ce sera Alexandre Perrois. Ou Alex Perrois. D'ailleurs, c'est pourquoi, pas probable. Alex, pourquoi tu... Parce que le diminutif est plus facile. Parce que tout le monde m'appelle Alex. Ah. En effet, je suis né Alexandre, mais tout le monde m'appelle Alex depuis toujours. Ok. Donc pour moi, ça... Ça coule de source. Ça coule de source. Voilà. Maintenant, c'est juste se dire est-ce que ça sonne bien, est-ce que ça se retient bien. Ouais. Bon, il va falloir que je me décide au courant de l'été, parce qu'à la rentrée, j'aimerais bien sortir le premier clip. Ok. Comment tu travailles tes clips? J'ai fait le choix de me rapprocher d'un artiste que tu as interviewé il y a peu de temps. Qui? Stéphane Doré, Fergus. Bah oui, Fergus. Oui. Eh bien, Fergus. Ah, oui, travaille. Oui. Oh, oui, vas-y. Fergus, c'est un ami que j'ai programmé au petit théâtre, que j'ai pour ami depuis que je programme, on a tout de suite sympathisé. Moi je le connais depuis 4-5 ans. Voilà, j'aime beaucoup sa musique, j'aime beaucoup ses chansons. Et ça fait quelques temps qu'il me disait mais il faudrait que tu viennes me voir, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Ouais. Et il se trouve que précédemment je travaillais avec d'autres personnes et puis là. Là, je me suis dit, mais ouais, c'est peut-être le moment. C'est vrai que les chansons que j'ai composées là, je les verrais très très bien avec le son de Stéphane. En tout cas, quand je dis le son, hein, il n'a pas qu'un son, mais il donne une identité. La sensibilité, c'est le mot que je cherchais. Et on a commencé à travailler sur les arrangements en janvier. Là, on a enregistré 3 morceaux. Ouais. Et il s'est proposé de faire le clip du morceau qui, selon lui, était le plus fort, le plus radiophonique. Qui est le plus porteur ? Le plus porteur, selon lui. Donc moi, je lui fais entièrement confiance. J'ai vu son dernier clip qu'il a fait avec un copain. J'étais avec... 3 fois rien, ça a coûté 3 fois rien. Avec bleu. Alors il faut savoir que c'est le vert, ouais. C'est fou, mais c'est un travail vert, fou aussi. Le clip qu'on a fait ensemble, il est fait sur les mêmes bases, vraiment sur un green screen, donc un écran vert. Et ensuite en image d'incrustation. Ouais, c'est beau. C'est beaucoup d'heures de travail. Ouais, hein. Moi, j'ai passé énormément de temps aussi avec lui. Je sais la peine qu'il se donne, même si je ne sais pas si on peut parler de peine, parce que c'est son plaisir. Mm-hmm, mais c'est des heures et des heures de travail. C'est quelqu'un de vraiment besogneux. Vraiment très bien, et je suis ravi de l'arrangement, des arrangements qu'il a fait. Du clip qu'il a fait, qu'on mettra en ligne en septembre, même s'il est déjà prêt, voilà. Franchement, j'ai hâte d'avoir l'avis du public. Puis est-ce que c'est un peu dans cette même facture-là, c'est-à-dire l'écran bleu avec des incrustations d'images? Ah, complètement. Okay. Ouais. On a travaillé mais aussi sur un thème, cet écran. Sur un sujet, sur un... Alors. Je peux le dévoiler, c'est un titre qui s'appelle Fête foraine. Ok. Et donc on a travaillé sur de l'incrustation tout ce qui peut faire penser à la fête foraine. Donc, okay. Mais dans la folie, ouais, dans le côté explosion d'images. Exactement, oui, oui, il y en a partout. Ouais. En essayant de faire passer un message, parce qu'il y a toujours le côté, le texte est très important pour moi, et même des fois des secondes lectures. Donc on s'est inspiré de Fête Société, et on a mélangé tout ça avec la foire, la fête. Et voilà. Et ça fait un clip festif. Ça fait un clip festif et qui passe des messages pour ceux qui veulent bien plonger dedans. Ouais. Ouais. Ah oui, complètement. Ouais. Oui, oui, bah, alors si tu as discuté avec Stéphane, tu as cerné le personnage. Il a, je pense qu'il travaille de la même manière avec moi qu'il travaille sur ses projets personnels. Okay. Stéphane, lui, c'est quelqu'un de très très réfléchi. Oui. Qui aime bien faire passer des messages, mais surtout bousculer. Exactement, oui. Oui, remettre en question les idées. Complètement. Oui. Mais c'est sa grande force aussi. Mais c'est pas non plus didactique, c'est à sa manière et c'est à nous de prendre ce que l'on veut avec ce qu'il propose. Mais oui, oui, oui. Voilà, donc voilà, on a commencé à travailler sur 3 titres. J'espère à la rentrée, selon les petites économies que je vais pouvoir faire, parce que voilà, tout ça pour moi doit être rémunéré. Je tiens, c'est important, il travaille des heures, donc voilà. Ouais. Bah, même si c'est un ami, je tiens à le récompenser. Un instant, s'il vous plaît. De la petite monnaie. Bonne journée, madame. Du coup, ouais, j'ai un petit peu troublé. Non, mais tu disais que tu veux rémunérer les artistes avec qui tu travailles. Ouais, rémunérer, en tout cas, quand il y a un échange, évidemment, on peut se dire, ben non, on se doit rien. Mais là, il fait du tellement bon travail voilà. De toute façon, il n'y a pas besoin de s'étaler sur le sujet. Non. C'est un bel échange artistique. Ouais. Dans tous les cas. Ce que je voulais dire, c'est que à la rentrée, je vais continuer de travailler avec lui parce que. Il est inspirant. Parce qu'il est inspirant. Ouais. A priori, Baby Love, la vie lui sourit. Un homme, un enfant et demi. En apparence, une famille unie. Il est vrai, ce serait un paradis. Si ce n'est cette lourde pogne qui s'abat sur elle sans répit. Quand son mari l'empoigne et la cogne. Baby Love, prends garde à toi. Si tu oses regarder d'autres gars que moi. Baby Love, ne cherche pas. Tiens, tu les as pas volées, celles-là. Baby Love se demande pourquoi, comment peut-on mériter ça. Pourquoi se met-il dans cet état, qu'il boive ou qu'il ne boive pas. Elle espère qu'on le dénoncera et elle s'en veut de penser ça. À la question, est-ce qu'il vous bat, elle répondrait, je me souviens pas. Baby Love, n'y compte même pas. Tu n'arriverais pas à t'en sortir sans moi. Baby love, si tu t'en vas, tu franchis cette porte pour la dernière fois. Elle aurait pu passer sa vie comme ça, se dire qu'elle n'avait pas le choix. Craindre le prochain passage à tabac, la peur vissée à l'estomac. Elle aurait accepté cette misère, mais quand un jour il la menaça de toucher à la chair de sa chair, Ça, baby love, ne le supporte pas. Baby love, ne me quitte pas. Je jure, je ne lèverai plus la main sur toi. Baby love, tu n'as pas le droit. Je vais changer, je t'en supplie, crois-moi. Après plusieurs mois de galère, une nouvelle vie un peu solitaire, des envies de retour en arrière, baby love a de quoi être fière. Elle a regagné par son combat ses droits, un début d'estime de soi, et la foi qu'elle aussi trouvera un mec bien qui lui chuchotera. Baby love, viens dans mes bras, je te berce et t'embrasse mon petit chat. Baby love, mon amour, ma joie, le bonheur est à portée de nos doigts. L'album soit cohérent, donc maintenant qu'on est parti vraiment sur un style d'arrangement qui me convient, je veux un album homogène, en tout cas dans la qualité de, voilà, de la musique, de l'ambiance musicale. De l'ambiance musicale, même si j'utilise des textes qui peuvent être très différents, au moins voilà, il y a ça qui lie le tout, et la voix évidemment, mais mais en fait le fil que tu veux créer dans cet album là, c'est l'osmose musicale. Ah oui, ouais, c'est important. C'est peut-être ce qu'il manquait sur le premier album. Le deuxième est plus cohérent. Hein. Non pas que je renie le premier, il était très bien. Hein. Mais aujourd'hui, je vais vers quelque chose où chaque chanson est liée à l'autre. Ok. Alors, il y a une histoire à raconter. Il n'y a pas forcément d'histoire. Mais il y a quand même un lien, un petit fil conducteur entre chaque. Il y a quelque chose d'évident, disons qu'on se dit c'est la même équipe qui a travaillé sur chaque titre. Même si mon souhait, parce que je n'ai pas encore sélectionné tous les titres de cet album, si j'ai pas mal de textes, mais j'ai envie d'élargir mon entourage d'auteur. Okay. Hein, là, par exemple, j'ai une très bonne amie aussi qui s'appelle Elisa Point. Oui, que je connais. Ouais. Ben oui, voilà. Une amie de Pierre Fort. Tu connais Pierre Fort? Oui, alors. Oui, bien sûr, tu l'as interviewé. Je la rencontre à chaque année, c'est un grand ami. Elisa, on se voit plusieurs fois par semaine. Elle était encore chez moi au théâtre hier soir. On la voit pas assez souvent ici. Son quartier. Ouais, donc, elle m'a écrit. Elle est en train de finir d'écrire un deuxième texte pour moi, donc c'est une chance parce que Elisa, c'est elle qui choisit avec qui elle travaille. Ouais, elle est très sélective. Et c'est pas moi qui lui ai couru après, même si j'ai toujours eu cette envie qu'elle fait. Elle aime pour ce moi. Que tu fais. Elle aime ce que tu fais. Bah faut croire. C'est quand même gentil, c'est quand même bien. Faut croire, en tout cas, humainement, ça passe super bien entre nous. Ouais. Donc je suis ravi de ça. Elle est dans la subtilité la plus intense. Les sentiments sont bien révélés. Le mot est là. Mais alors je sais qu'elle aime pas qu'on colle étiquette, de mots ou Ah ouais, c'est ça, plaquer des mots, elle ne plaque jamais des mots. Non, ces mots doivent être libres. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Comme un papillon, le mot est un papillon. Ouais. Pour moi, elle a juste une écriture magique parce que quoi qu'elle écrive, moi, elle m'emporte. En fait, c'est sa sensibilité. Hein. Ah là, voilà. Alors, toi, une belle sensibilité. Ouais, toi, ce que tu veux, c'est d'élargir le bouquet des auteurs. Ouais. Pour pouvoir, moi, je veux continuer de composer. Oui, c'est ça, pour pouvoir proposer quelque chose d'intéressant au public. Donc, c'est des points de vue de femmes, souvent. Ouais, maintenant, l'expérience de travailler avec des hommes. Ouais. Fergus en est un, là. M'intéresse quand même, parce que Fergus. Même si on ne travaille pas sur les textes, moi j'ai toujours travaillé avec les femmes pour l'écriture et avec les hommes pour le reste. Ouais. Voilà, donc non, je suis super ouvert. Moi c'est les collaborations qui m'intéressent, les rencontres. Ben, donc, en fait, c'est ton côté troupe aussi dû à ce petit théâtre. Mais complètement. Tu veux retrouver des noyaux. Ah, mais j'ai appris beaucoup de choses au petit théâtre. Hein. J'ai appris beaucoup de choses et je me dis, c'est franchement dommage de rencontrer autant de belles personnes. Et de ne pas le montrer au public. Ouais, et ne pas profiter de faire des choses ensemble. Ouais, souvent, j'ose pas. Talent, ouais, moi, c'est pas pour prendre, c'est vraiment pour échanger. Et c'est vrai que moi, j'ai entre guillemets, proposé, donné beaucoup, mais sans oser demander. C'est ta timidité. Ouais, et aujourd'hui, voilà, plusieurs personnes m'ont fait comprendre que après, il sera trop tard. Donc aujourd'hui, voilà, je veux collaborer de plus en plus. Donc j'invite tous les auteurs qui ont de jolis textes et qui pensent qu'ils pourraient me convenir à frapper à la porte. À venir frapper à la porte. Ouais. Et à l'inverse, moi je serais ravi aussi de collaborer sur des projets pour d'autres. Ouais. Mais est-ce que ton travail en amont au Petit Théâtre du Bonheur te... Bien sûr, ça te fait connaître des artistes, donc travailler soit sur tes projets ou même rentrer en communication avec d'autres artistes qui peuvent, elles ou eux aussi, s'automotiver entre eux ou entre elles, parce que c'est très difficile le milieu du disque, le milieu de la chanson de plus en plus. Et en fait, cet endroit-là, c'est comme une graine que l'on sème. Et que chacun va là pour puiser à travers eux. Ah oui, mais bah c'est l'objectif de l'association. L'association au Petit Théâtre du Bonheur a été créée pour ça. L'idée, c'est que ce soit un endroit de rencontre, un endroit en même temps convivial. Ouais. C'est surtout pour ça qu'on parle beaucoup du Petit Théâtre, parce que les artistes qui y viennent... sont bien reçus, ont envie de revenir, font des rencontres et de nombreux spectacles, que ce soit dans la comédie, dans la musique ou autre, hein, parce que c'est ouvert sur toute l'expression artistique. Ça peut être la peinture aussi. Ça peut être la peinture. Il y a beaucoup de, on va dire, de troupes ou de bandes. Qui se forment à partir de ce groupe. Oui, exactement. Beaucoup, on fait des scènes ouvertes aussi. Donc lors des scènes ouvertes, par exemple, moi quand un artiste me contacte, on me dit « J'ai entendu parler de votre lieu, j'aimerais bien venir jouer. » Généralement, je les invite à venir faire la scène ouverte. Okay. On fait connaissance. Généralement, s'ils découvrent le lieu, ils craquent littéralement et ils me harcèlent pour être programmé. Et après, selon ma sensibilité, je programme en fonction aussi de l'espace parce que on ne peut pas présenter tout le monde. On ne peut pas présenter tout le monde. Tu ne peux pas être redondant non plus. Mais non, voilà. Mais bon, quand même, voilà, j'ai la fierté d'avoir rencontré beaucoup d'artistes, d'avoir pu donner la chance, parce que c'est un tremplin, à beaucoup d'artistes que j'ai vu évoluer, qui jouent dans de très belles salles maintenant, qui ont le plaisir de revenir jouer au Petit Théâtre, même si maintenant, voilà, ils jouent sur des scènes renommées, même dans le monde, quoi. Mais ta programmation se fait quoi, en 6 mois? Est-ce que tout est déjà figé? Je programme généralement 2 à 3 mois à l'avance. Ok. Ouais. Ouais, c'est à peu près ça. Je laisse toujours quelques espaces pour les rencontres... improvisées. Voilà. C'est ça. Les rencontres, on va dire, magiques. Il m'arrive de rencontrer des artistes genre 15 jours avant une date. Okay. Et je me dis, il est de passage à Paris, je ne peux pas le laisser filer, c'est ça, celui-ci. Exactement. Donc je garde des petits créneaux pour pouvoir placer ces petites surprises. Les intercaler. Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que l'album que tu prépares, ce sera vraiment, comme on disait tout à l'heure, le véritable premier album, puisque tu... Je dirais que c'est l'album où j'ose le plus, en tout cas. L'album où j'ose le plus me montrer comme je suis. Sans artifice, sans artifice, le seul artifice c'est l'arrangement. Ouais, bah oui, bah oui, c'est la musique. Ouais, voilà. On va dire. C'est pas vraiment que je me mets à nu, mais. C'est, on va dire que pour moi, c'est l'album d'une. J'aime pas mettre des mots non plus, mais non, c'est un non, peu non. comme Elisa. Non, parce que ça sclérose. Mais hein, c'est peut-être l'album le plus mature, quand okay. même. Okay. Quand même. Et je pense que c'est grâce à ça que je vais m'affirmer. Que je vais oser réellement partager à grande échelle. Parce que jusqu'à présent, toute la phase de création, voilà, je kiffe vraiment. Et puis quand ça sort, je me dis, ah, est-ce que je peux envoyer ça aux maisons de disques et je peux le faire écouter par-ci, par-là. Bon, les amis, ok, ils adorent, ils me disent, ah là là, mais on devrait entendre ça à la radio, d'accord. Le bonheur fait peur, il faut bien croire que c'est vrai, puisque l'on met tant d'ardeur à en détruire les bienfaits. Si t'es heureux en amour, on te dit de compter les jours, que ça va pas durer toujours, tiens vas-y reprends un petit four. Quand tout le monde vit en paix, que les gamins mangent et grandissent, on t'explique au grand jamais qu'une bonne guerre leur ferait les cuisses. Et si tu vas au spectacle, on t'organise une débâcle en te foutant un terroriste qui prend la place des artistes. Et quand on voit le prix des choses, ça fait bobo, ça rend tout le monde morose, et c'est pas bobo. Et pour soigner les ecchymoses qui font bobo, on se gave de films à l'eau de rose où tout est bobo. Bobo mes bobos, bobo mes bobos, bobo mes bobos, bobo mes bobos. Je voudrais faire le tour du monde pour voir les hommes de plus près avant qu'on y lâche une bombe par mégarde ou fait exprès. Je veux admirer la nature ou ce qu'il en reste à peu près et continuer l'aventure d'une vie si pleine de progrès. Et quand on voit le prix des choses, ça fait bobo, ça rend tout le monde morose, et c'est pas bobo. Mais pour soigner les ecchymoses qui font bobo, on se gave de films à l'eau de rose où tout est bobo. Bobo mes bobos, bobo mes bobos, bobo mes bobos, bobo mes bobos. Et vive la politique tac qui rythme bien ce micmac et règle à l'heure des arnaques nos battements de cœur à coups de claque, claque. Et quand on voit le prix des choses, ça fait bobo, ça rend tout le monde morose, et c'est pas bobo. Et pour soigner les ecchymoses qui font bobo, on se gave de films à l'eau de rose où tout est bobo. Bobo mes bobos, bobo mes bobos, bobo mes bobos, bobo mes bobos. Et quand on voit le prix des choses, ça fait bobo, ça rend tout le monde morose, et c'est pas bobo. Mais pour soigner les ecchymoses qui font bobo, on se gave de films à l'eau de rose où tout est bobo. Bobo mes bobos, bobo mes bobos, bobo mes bobos, bobo mes bobos. Mais moi, je me suis toujours dit, ah, il manque quelque chose, il manque quelque chose. Et là, c'est quelque chose là et sur et le là, disque. Là, on y est là. Bah déjà sur Petit Bonheur à deux, je suis très fier. Ouais. Mais là, sur le côté seul, perso, même si je travaillais avec d'autres, mais seul sur scène... Avec ton véritable nom. Ouais. Là, j'assume. J'assume totalement et là, voilà, là, je suis lancé, quoi. Ouais. Et c'est là, en fait, il s'est passé un truc, c'est que j'ai passé la barre des 40, okay. Les 40 ans, et forcément, on remet en question hein, tout ce qu'on a fait. Ouais. Et je me suis dit, oh là là, ouais. Si je poursuis, là maintenant, il faut y aller, il faut assumer. Il faut aller de l'avant. On te prend comme tu es et vlan, quoi. Et donc là, je me suis dit, moi, j'ai plus de temps à perdre. Non. Le temps va tellement vite. Donc maintenant, je fonce. Ok, ouais. Je fonce, je pense un petit peu plus à moi. Pour parler du petit théâtre, on a fait la dernière dimanche dernier. Okay. On a fait une exceptionnelle hier soir, juste pour faire une captation vidéo. Parce que ça sert aussi à ça, le petit théâtre. Ouais. D'avoir vraiment. Un souvenir, et que l'artiste puisse repartir avec un support pour communiquer et pouvoir jouer ailleurs. Parce que nous, il faut savoir que c'est vraiment un espace qui est là pour donner la chance aux artistes, mais dont les artistes peuvent se servir, en fait, pour remplir leur curriculum vitae, leur carte de visite et repartir avec des images, ouais. Ça a permis à des artistes d'être programmés dans d'autres lieux. Ouais. Je peux citer un artiste qui s'appelle Quad, qui a joué au petit théâtre il y a 7 ans et demi maintenant, grâce à une vidéo qu'il a fait au petit théâtre. Il a parcouru, il a été joué au Galabru, ensuite il a joué au gymnase, il a joué dans plein d'autres salles avec au Comedy Club de Jamel Debbouze. Aujourd'hui, il joue tous les jours à Avignon. Mais tout ça grâce à une vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport au petit théâtre, juste, c'est que pour tous les artistes qui vont vouloir, en entendant peut-être m'envoyer un message en me disant je veux jouer au petit théâtre. C'est que pour le moment, je ne connais pas l'avenir du petit théâtre. Ok. Voilà. Donc le lieu va très certainement changer de propriétaire. Okay. Il se trouve que c'est un appartement à la base. L'association siège sur place, comme on ferait des cafés, des concerts en appartement. Et je me dis, bon voilà, franchement, j'en ai gros sur le cœur parce que c'est un endroit. Où je vis et où je programme depuis des années et je suis jamais seul, j'ai toujours des artistes autour de moi, ou pas seulement des artistes, hein, mais des gens qui viennent m'interroger pour voir ce qui se passe là-dedans. Ils se posent des questions parce qu'ils trouvent ça magique. Et là je me dis, dans le cas où je ne continue pas de programmer les artistes, c'est le moment de profiter de ça pour moi et prendre du temps pour moi et mes projets. Mais qui veut fermer ce théâtre-là? Alors personne. C'est difficile. Le propriétaire, je le connais très bien, c'est un ami maintenant et c'est lui qui a créé le petit théâtre. Okay, ouais. Donc on lui doit tous beaucoup. Ouais. Là, il veut le reprendre, c'est ça? Et voilà, là, il doit passer à autre chose. Okay. Il veut vendre le théâtre? Il est en vente. Okay. Il y a quelques pistes, mais l'idée, ce serait pour lui qu'un artiste rachète, ou en tout cas, artistes. Quelqu'un qui a envie, ou des artistes, en tout cas, que le lieu soit... Ça pourrait devenir communautaire, non? Pardon? Ça pourrait devenir communautaire, c'est-à-dire plusieurs artistes pourraient donner de l'argent pour acheter cet endroit-là et pour la suite de... Ça le pourrait. C'est improbable. Mais improbable, je sais pas. Mais il se trouve que il y a déjà des pistes. Ok. Ah. Donc. Moi je croise les doigts. Il y a une amie de quartier, une commerçante du quartier qui a vu passer beaucoup d'artistes amis à elle, beaucoup d'artistes passer au petit théâtre. Et elle veut que ça continue. Okay. Parce que, alors, ce sera un mécène. Alors, on verra, je peux pas trop en dire trop maintenant parce que voilà, tout ça, rien n'est certain. Ouais. En tout cas, moi, j'ai présenté cette personne qui veut que le théâtre continue au propriétaire. Et maintenant, il faut laisser faire les choses. Mais je souhaite de tout cœur que ça puisse se faire avec cette personne parce que ça permettrait la continuité. Certainement différemment. Ouais. Moi, je ne vivrai plus sur place. Ouais. Mais voilà, je vais tout faire pour rester vivre à Montmartre. Et toi, tu pars ton appartement là. Ouais, voilà, je suis dans les cartons là, je suis en train de vider le petit théâtre. Ah, c'est triste. J'ai trouvé une chambre de bonne, mais voilà. je vais passer d'un bel espace à pas grand chose, mais je reste à Montmartre. Je reste près de mes amis, près du réseau d'artistes qui m'entourent depuis quelques années. Et surtout, je suis amoureux de Montmartre et je ne me vois pas vivre ailleurs. Mais c'est à Paris, en tout cas, je ne me vois pas vivre ailleurs. Mais c'est 11 ans de ta vie là, qui se ferme, qui s'est fermé hier. Ouais. Mais pour moi, c'est pas fermé. Ok. Bon, ça continue d'une manière différente. Ok. Ouais. Non, mais l'endroit. L'endroit, moi, je garde toujours une lueur d'espoir. Mais si, pourquoi si, tu quittes s'il y a peut-être une lueur d'espoir? Eh bien, parce que j'ai pas le choix, puisque... Okay. Ils veulent libérer. Puisque, voilà, on me demande de vider, vider cet endroit. D'une part, bref, si je, pour rentrer dans les détails, il va y avoir quelques travaux dans les pièces où je vis. Okay. Des rénovations, donc... Rénovation, voilà, pour que la personne qui achète, c'est plus, un petit peu plus de confort. On appelle ça clé en main. Proposer voilà. Clé en main. Ouais. Sans trop de rénovation, ça sera déjà fait. Donc le prix risque d'être beaucoup plus surenchéri du fait que la personne rentre et tout est là. Il n'y a pas de réparation. Voilà, après, pour le reste, je ne vais pas m'avancer, je ne suis pas le propriétaire. Non. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le propriétaire, ça lui tient à cœur. Que le théâtre soit racheté, récupéré par des personnes qui ont envie de continuer de le faire vivre. Ouais. Voilà. Même si ce sera forcément différent, il n'y aura peut-être pas autant de programmation. Mais encore faut-il que ce soit une de ces personnes qui ont à cœur que ça continue, qui achète. Voilà. On verra. Mais il n'y a pas de collectif qui s'est formé. Il n'y a pas un collectif qui s'est formé. Si. Quand ils ont appris que. Si, bien sûr. Il y a plusieurs associations qui œuvrent de la même manière que moi et l'équipe du petit théâtre. Imaginons et fédérons. On va dire que le propriétaire voyait les choses peut-être différemment, tout simplement. Tout simplement. Et moi je pense que si cette personne dont je parle depuis tout à l'heure reprend le théâtre, tant mieux. Eh bien, personne ne sera déçu et toutes ces associations, je pourrais en citer plein, mais je ne veux pas en oublier. Non. Voilà, il y a des associations à qui je laisse carte blanche et qui viennent programmer des artistes ici. Je fais des belles découvertes grâce à ça. Là. Ouais. Tous ces amis, toutes ces associations ne seront pas déçus si cette personne la rachète, parce que moi je ferai tout pour les ramener à la maison. Les ramener à la maison. Mais en même temps, c'est très triste effectivement, mais ça te donne plus d'espace, plus de temps à travailler sur ton matériel. Oui, c'est pour ça que... C'est quand même, dans la tristesse, il y a une renaissance. Dans chaque mort, il y a une renaissance. Voilà. Cool. couleur de peau, bien évidemment. Sur la photo, ça grince des dents. Couleur de gêne, pour dire autrement. Y'en a que ça gêne au tournant. Mais Roméo aime sa Juliette. Et Juliette aime son Roméo. Faut que ça s'arrête, les prises de tête. L'amour n'a pas de couleur de peau. Tous des Roméo. Des Juliette and Co. Tous remplis d'amour. Et le monde autour. Et le monde autour. Tous des cœurs nouveaux. Oh oh. Qui s'aiment en duo. Oh oh. Tous au même tempo. Oh oh. C'est fort et c'est beau. 16e bien-née, les cuillères d'argent. Banlieue fanée, les poches au vent. Ça fait jaser chez les regardants. Ça se fait pas disent les médisants. Mais Roméo aime sa Juliette. Et Juliette aime son Roméo. Et dans un loft ou sur une banquette, l'amour se fait peau contre peau. Tous des Roméo. Des Juliette and Co. Rempli d'amour. Ouh. Et le monde autour. Et le monde autour. Tous des cœurs nouveaux. Ouh. Qui s'aiment en duo. Ouh. Tous au même tempo. Ouh. C'est fort et c'est beau. Il a 20 ans, elle en a 40. Il est aimant, elle est amante. Ça ne va pas, pense les bien-pensants. Durer longtemps, c'est évident. Mais Roméo aime sa Juliette. Et Juliette aime son Roméo. Et ça se chante à des kilomètres. L'amour leur a donné sa peau. Tous des Roméo. Des Juliette and Co. Tous remplis d'amour. Et le monde autour. Et le monde autour. Tous des cœurs nouveaux. Qui s'aiment en duo. Tous au même tempo. C'est fort et c'est beau. Et quand Roméo aime un Roméo, y'a autant d'amour. Et le monde autour. Et le monde autour. Tous des Roméo. Des Juliette and Co. Et s'il y a de l'écho, le monde sera beau. De plus en plus, c'est ce que je me dis, pour me consoler certainement, mais réellement, parce que voilà, beaucoup d'amis me le disent, j'en prends conscience, c'est clair que si je me retrouve voilà, confiné dans une chambre seule, ça va pousser la création. Ah ouais, ça va forcément pousser à la création. J'ai du matériel avec tout ce que j'ai vécu au petit théâtre et ailleurs depuis que je suis à Montmartre. Il y a énormément de matière, tout ça maintenant. Et tu as le temps maintenant de te poser, de prendre le crayon, le papier, un petit café. En tout cas, il faut que je prenne ce temps. Pour toi. Mais je vais le prendre. Et voilà, c'est une page qui se tourne. Mais pour moi, je ne ferme pas complètement la page précédente. Ouais. C'est une continuité. Est-ce que tu es intermittent ou... Je ne suis pas intermittent, non. Non, non. Moi, je suis auto-entrepreneur, je fais de l'animation micro. Ok, c'est ce qui te permet de mettre le support sur ton pain, c'est... On va dire que c'est ponctuel. Ok. Mais là, le fait de ne plus être au petit théâtre, de ne plus y vivre, va me laisser plus de temps et travailler pour ramasser oui. un peu plus d'argent. Eh oui, là il va me falloir un taf alimentaire. Quitte à travailler dans un commerce ou une boutique ou de Montmartre. Hein, pourquoi pas? De toute façon, il faut bien payer le loyer. Ouais, mais tu Pas comme et puis si on veut payer aussi un bon studio, voilà, un disque en effet, ça coûte de l'argent. Donc, ça c'est inévitable. Voilà, donc ça sera du temps. Pour moi, en plus, c'est certain. Pierre Foy, il a son propre studio, ouais. Peut-être une collaboration. Mais je suis ouvert à tous les rencontres. Que tu le racontes, les rencontres sont belles. Pierre Foy, je le connais pas. Ok. J'en ai entendu parler évidemment par Elisa. Parce que Elisa travaille beaucoup, elle connaît beaucoup d'artistes. Donc, moi, je lui présente beaucoup d'artistes. Elle découvre beaucoup d'artistes au petit théâtre, mais elle m'en présente aussi beaucoup. Elle me fait découvrir ses projets actuels, mais tout ce qu'elle a pu faire aussi dans le passé. Je pourrais te le proposer sur Facebook et vous pouvez rentrer en communication. Il reste tout près d'ici, il reste à 2 minutes d'ici. Ah oui, mais puis voilà. Il y a son studio maison, donc ça coûte 3 fois rien. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Ah ouais, avec grand plaisir. Et bon, voilà, je sais que... Dès mon retour à Québec, je vais vous mettre en communication. Ah ben c'est avec grand plaisir et puis... Parce qu'en fait, quand c'est chez quelqu'un, c'est plus facile de créer parce qu'il n'y a pas la contrainte de l'argent, il faut aller rapidement. Des fois, on bâcle un peu pour ne pas trop payer l'espace. Donc, mais oui. Puis surtout que la grande force de Pierre, c'est l'écoute, il est très à l'écoute. Et même si c'est pas souvent son style musical, il est partant pour suivre l'artiste, si l'artiste est prêt à collaborer avec lui. Donc, je pourrais être le passeur et te proposer cette aide très humaniste et avec très chaleureux. Grand plaisir. De toute façon, ouais, pour résumer, c'est très important de travailler avec des personnes qui écoutent. Il faut s'écouter mutuellement, mais... C'est, ouais, en plus, il est rendu à son 10e album. 5 mais... en solo, puis avec des promos de 5, 10. Mais oui, bien sûr. Je... Il est très connu en Corée, c'est étrange. Hein? Ah ouais? Très connu. Il est une vedette en Corée. Il vend plus disques en Corée qu'il peut en vendre ici. C'est très timide. C'est un peu comme Éric Vincent. Est-ce que tu connais Éric Vincent? Je ne le connais pas. Ok, bien écoute. Éric Vincent, c'est une méga vedette aux États-Unis. Il fait tous les collèges. Il part là à la fin de l'été. Il fait toutes les petites salles de collège aux États-Unis. Mm-hmm. Et puis il va en Alaska, il va partout. Et il vit grâce à ces tournées-là et ses disques, il les vend là-bas, mais ici il est méconnu, même inconnu. Éric Vincent. Il a 60 ans aujourd'hui, il a travaillé avec des grands de la chanson française. Il connaissait très bien Charles Aznavour, Aznavour qui allait souvent ici au petit café Montmartre, oui, rencontrer Michou. Mais ici, il n'est rien à personne. Et si on l'a connu, c'est grâce à. Le Vaillant, sous les étoiles exactement. Il y avait une émission sur France Inter la nuit. Mm-hmm. Et, Serge Le Vaillant. Oui, Serge Le Vaillant. Et on l'entendait souvent, mais depuis que l'émission n'existe plus, comme Le Pont des Artistes sur France Inter, mm-hmm. Tout ça s'est éclipsé. Mais il continue à faire ses tournées depuis presque 30 ans. Il en vit très, très bien. Il reste sur une péniche à côté de celle de Gilbert Bécaud. Donc, Gilbert Bécaud habitait sur une péniche. OK. Et il habite là. Voilà, tout près de où restait Gilbert Bécaud. D'accord, ok. Ouais, c'est fou, hein? Il vit très bien, mais ici à Paris, il n'est pas connu. Dans la francophonie, un peu, à Québec, pas du tout. Mais en Alaska, aux États-Unis, les jeunes le connaissent et l'adorent. Moi, je trouve ça plutôt intéressant aussi. Moi, j'aimerais beaucoup voyager pour parler de moi. Aller jouer ailleurs, vraiment ça c'est, voilà, une de mes grandes passions c'est le voyage aussi, même si je peux pas voyager autant que je voudrais, ça serait faire voyager la musique, c'est top, elle voyage déjà, dans tous les cas. C'est guitare-voix, donc il travaille sa guitare, mais pareil, et son amoureuse c'est génial. Suit, c'est extraordinaire. Ah, j'aimerais tant faire ça aussi, ouais. Mais quelque part, être méconnu, je sais pas, mais en tout cas, ne pas être connu dans son fief, ça permet aussi d'avoir une liberté, peut-être, ouais, de pouvoir, avoir cette liberté de se promener dans la rue, de prendre un café sans être... C'est sans doute une frustration aussi quand même. Il écrit en français. Ouais. Grand ami de Moustaki m'a écrit beaucoup de chansons. Il y avait beaucoup de collaborations avec eux. Depuis sa mort, ben là, il s'est greffé avec d'autres musiciens. Mm-hmm. Mais il était un grand ami de Moustaki. D'accord. Quand je te dis grand ami, là, quand il est décédé, le Vaillant l'a invité à parler de Moustaki. Ok. Ouais. Ouais. Hey, j'ai 10 questions, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Si tu étais un liquide. Ah ben, l'eau de mer. Ouais. Oui. Moi, je viens de l'océan, moi. Donc, d'ailleurs, j'y retourne mardi, là. Ça me manque énormément. Là, il te faut des vacances, là. Ah, il me faut des vacances, c'est sûr. Mais il me faut surtout mes racines. Ouais. Donc, l'océan, la famille. Ouais. Voilà. Ah, mais ça, c'est... Ouais, je suis un poisson, moi. Ok. Poisson au signe astrologique? Ah, je suis poisson signe astrologique, mais pas seulement. C'est mon élément, la mer. Alors, la musique, tu es comme un poisson dans l'eau, dans la musique? Pas loin. En tout cas, je m'y sens bien. Okay. Tant mieux, parce qu'on n'est pas sur Terre pour souffrir, ou en tout cas, on essaye de souffrir le moins possible. Hein. Ah oui, donc, c'est clair. Donc, on ne prendra pas un travail qui nous fait mal, donc on s'en va dans des sentiers où on se sent plus épanoui. Ouais, je suis assez d'accord. Si tu étais une ville? Si j'étais une ville? Oh là là. Bah je serais ma commune, Pornic, ma commune d'origine, là où est toute ma famille. Ça, c'est tout près de Nantes. Ouais. Mmh. Ouais. Mais vraiment, voilà, c'est le bord de l'océan Atlantique. Ouais, hein. Voilà. Ouais, la maison familiale, je suis à moins d'un kilomètre à pied. Voilà. Ah, les racines sont là, donc. Ouais, donc mes racines sont là, même si je suis à Paris depuis 2003, ouais. Ma tête, elle est là-bas. Si c'était une langue. Je ne veux pas être très original, mais je serais français. Hein. Ah ouais. Mais oui. Si tu étais une époque. Ah, pour les années 80. Mon époque, les années 80, moi, ça m'a marqué profondément au niveau musical. Au niveau musical, au niveau de la scène aussi. Parce qu'en fait, je fais partie d'une troupe depuis tout petit de comédiens. Dans les années 80, c'est là que j'ai tout gravé, quoi. Ok. Le cinéma, la musique, le théâtre, ouais, tout. C'est les années 80 qui m'ont forgé. Si tu étais un mot? Partage. Ah ouais, ben oui, surtout dans une troupe, oui. Le travail de groupe. Si tu étais un aliment? Le beurre salé. Le beurre salé. Oh. Mais je préfère le beurre à la margarine, t'as bien raison. Oui, la margarine, là, on peut rien faire avec. On peut même pas la placer dans une poêle pour faire revenir un steak parce que ça pétille. Ouais. Mais de plus en plus, l'huile d'olive, la bonne huile d'olive. Ah oui, c'est vrai. C'est plus simple, hein? C'est vrai, t'as bien raison. Mais c'est plus coûteux, hein? C'est plus coûteux, ah, mais oui, qu'est-ce que c'est bon. Ah ben oui, effectivement. Si tu étais une saison. Ah, j'aime toutes les saisons, mais l'été. Ah ouais. Même si c'est la canicule. J'adore la canicule. Ah oui? Tu adores avoir chaud? Ouais, moi ce que j'aime c'est être léger, ne pas être trop couvert, okay, voilà, de pouvoir enlever les vêtements. Ouais. Mais à condition d'avoir un verre d'eau. Ah bah oui, quand même, il faut pas se déshydrater. Ou une bonne bière. Ah ben là, parce que ouais, exactement, les deux ça va bien. Hein. On peut mixer ça avec trop. Bon, faut savoir que là on est au café, on est pas. Ah ouais, mais il faut dire qu'il est aussi à peu près 10h15, je pense que ouais. Si tu étais une saison. L'été, moi tu m'as le dit. Oui. Si tu étais un membre corporel. Pardon? Un membre corporel. Un membre. Oh là là. Les oreilles. Les oreilles. Pour écouter toute la musique, pour pouvoir entendre. Ah ouais, c'est vrai. Bah oui, la musique passe par les oreilles, donc naturellement les oreilles. Si tu étais un moment de la journée. Ah, moi je suis du soir, donc le soir. Ah oui? Ouais. C'est l'heure du spectacle, c'est l'heure c'est là où je me réveille. Ah, ben bon, nous sommes somnolents actuellement. Ouais, non, je suis un mec du soir. Bah, d'une part parce que j'ai beaucoup programmé le soir, évidemment. Ouais. Quand je joue le soir. Quand je programme, c'est souvent la nuit après les spectacles. C'est là que je me connecte aussi voilà, pour répondre aux mails. Non, réellement, et puis c'est là, c'est le soir qu'on fait. On se retrouve entre amis. Ouais. Une petite bière. Voilà, voilà. Encore cette nuit, quoi. Alors, tu t'es couché tard, hein? Ouais, bah, on termine le spectacle, genre hier soir à 10h30. On était en petit comité parce qu'on n'a pas communiqué dessus, c'était pour une captation vidéo. Ouais. Les amis qui étaient présents n'avaient pas envie de partir. Non, ils sont restés jusqu'à 3h30. Puis parce qu'après, ben, c'est terminé, on met les clés, on met la clé. Ouais. On va chercher les pizzas ou alors je fais des pâtes au petit théâtre. Ah, hein. Ouais. Hop, on ouvre quelques bouteilles. Ouais. Et puis on refait le monde. Et la discussion. Mais si je dis pas, je suis fatigué, j'ai une interview demain. On y serait peut-être encore. Ah ouais. Mais quoi, t'aurais pu faire quand même la suite de là-bas ici avec un tout petit peu de. Ah ben ce, j'aurais été fatigué, je crois, quand même. Hein. Okay, ouais, effectivement. Je marche seul sur ce grand mur étroit qu'on appelle la vie. Tombera pas. J'ai tellement peur du vide autour de moi, alors les yeux bandés. Pourquoi pas? Je circule, funambule. Je cherche mon équilibre. Je recule, si je brûle d'un amour trop vrai et libre. Alors je file tout droit dans le mur de mes rêves qui m'arrêtera si je fuis la vie qui m'attend là. Pour des illusions qui ne me bercent pas, je m'en veux. La colère prend le pas. Je sais que je marche à côté de moi. Je m'étais dit, pas de peur, pas de doute, tu verras la vie est une grande autoroute. Même si elle t'impose parfois des choix, t'inquiète pas, ils viendront vite à toi. J'savais pas comme l'amour résiste. Plus on le désire, plus on insiste, qu'il faut repousser ses limites pour être sûr que l'on existe. Alors je file tout droit dans le mur de mes rêves qui m'arrêtera si je file avec qui m'attend là. Pour des illusions qui ne me percent pas, je n'en veux. La colère prend le pas. Oui, je sais que je marche à côté de moi. Pourquoi ces mots que je voudrais et que je ne te dis pas? Ai-je la tête en l'air ou le cœur à l'envers? Tu sais, les émotions me donnent le vertige. Elles me figent. Je ne bouge plus. Alors je file tout droit dans le mur de mes rêves qui m'arrêtera si je fuis la vie qui m'attend là. Pour des illusions qui ne me percent pas, je m'en veux. La colère prend le pas. Oui, je sais que je marche à côté de moi. Pourquoi ces mots que je voudrais et que je ne te dis pas? Si tu étais, à un moment de la journée, on l'a dit, si tu étais un autre individu. Si j'étais, pardon? Un autre individu. Un autre individu, oh là là, ça demande un peu de réflexion tout ça. Un autre individu, moi je serais un animal, je pense. Ok. Ouais, je serais un animal, j'aimerais bien être un oiseau. Ouais. Un oiseau? Un oiseau, je sais pas lequel en particulier. Ah, pourquoi pas un aigle? L'aigle noir? Ouais, ou j'aime bien l'aigle à tête blanche là. Non, vois. C'est pour faire un lien avec Barbara. Ah bah oui, ouais. L'aigle noir pour faire le lien avec la musique, d'accord. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Ça marche surtout que j'ai. Ou l'oiseau de Michel Fugain. Ouais. Eh ben, j'adore les deux. Voilà, comme ça. Mais l'autre est beaucoup plus sombre. L'aigle noir. Ouais. Tandis que c'est comme l'oiseau, c'est très festif, c'est très été, ouais. Estival, c'est merveilleux. Mais c'est le Pic Bazar. Mais ouais. Et d'ailleurs, au petit théâtre, il y a une fresque. Donc tous les jours, je vois le visage de Barbara. Ah ouais. Elle est peinte sur cette fresque. Ah ouais. Et puis Fugain, je parlais des années 80 tout à l'heure. Ouais. Voilà. Il a fait partie, bah oui. On a beaucoup écouté. Gainsbourg. Ouais, et je trouve que le projet Petit Bonheur à deux, ce qu'on fait là, il y a du Fugain là-dedans. Je pense que on est aussi bien Charlotte que moi, on a été inspiré par entre autres par lui. Ouais. Donc voilà. Balavoine aussi, Daniel Balavoine. Aussi, ouais. Ah mais ouais, tu vises juste. Bah oui. Tu vises juste. Même si je. Parce qu'il est mort tellement jeune. Je n'écoute pas que ça, mais ouais. Il est mort à 85. Ouais. Ouais, ouais. Lui aussi serait un oiseau, je pense. Ah oui. Ouais. Ouais, ben lui, il fait partie des. Ouais. Des oiseaux qui volent dans ils planent toujours au-dessus de ma tête. Ouais. Il est toujours là. Ouais. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Je suis pas certain. Ok. Je prendrais plus de risques plus tôt. Là, j'ai beaucoup. J'ai attendu avant. Il y a peut-être cette peur. Cette jungle aussi, tu m'avais dit. C'est la jungle. La jungle. Alors, avec la moto, là, j'ai. La timidité. Tu étais timide. Ouais, oui. On va dire que c'est ça qui m'a bloqué, ouais. Ouais. C'est sûr, mais... c'est peut-être le contact avec les autres qui t'a fait chasser un peu cette chaîne-là, cette timidité-là, hein, travailler en troupe. C'est une certitude. Mm-hmm. Ouais. Donc, c'est une école pour se guérir un peu de cette ce côté plus coincé. Ah bah, je suis sûr, si tu me vois, si tu me voyais comme j'étais il y a 10 ans, Il y a des terrains de foot entre les deux, quoi. Ah ouais. Alors, pour toi, dans ton actualité, c'est l'album que tu vas terminer pour la rentrée? Oui, ou... l'actualité, c'est ça. C'est peut-être l'envie de... En tout cas, il y a une réflexion, parce que tout ce chemin que j'ai fait là, dans l'accompagnement d'artistes, je veux aussi continuer de le tracer. Donc pourquoi pas m'associer avec d'autres personnes, d'autres associations, je ne sais pas encore, mais je me dis que faire de l'accompagnement d'artistes me plairait beaucoup. J'en fais actuellement avec une amie comédienne, je peux la citer, Hélène Bulliard, qui est montée sur la scène du Petit Théâtre pour la première fois seule en scène. Et voilà, je crois beaucoup en cette personne, ça se passe très bien. Je le fais avec un monsieur qui s'appelle Papy, qui est très connu dans le milieu de la comédie, Alain Joie, qui a décelé plein de talents tels que Omar Sy, Blanche Gardin, Jamel Debbouze, voilà. Et donc là, j'ai cette fierté de l'assister, en tout cas pour mettre en scène Hélène Bulliard. J'ai envie de continuer ça. Je me dis pourquoi pas créer une structure qui permette de programmer des artistes dans différents endroits, pas forcément dans un seul, et puis les aider sur le chemin à la fois de la création à la communication, quoi. Donc, je sais pas, ça c'est en réflexion. Je me dis que ça pourrait être pas mal en tant que en production, producteur, je ne sais pas, mais en tout cas, en accompagnement, ça me plairait beaucoup. Il te reste combien de chansons à placer sur la pastille? Alors, là, on en a fait 3. C'est quoi, c'est un 12 titres à peu près? Ouais, j'aimerais bien, mais on va dire que ça va être en fonction de mes moyens, en fonction des rencontres. Alors, ça peut être un EP? Ça peut être un EP, ouais. Là, ce que je me suis dit, j'avance... titre par titre. Okay. Je fais bien un titre et ensuite je passe à un autre. Okay. Alors que jusqu'à présent, je me disais, allez hop, On part sur une sélection de disques, sur une sélection pardon, de chansons, et on enregistre tout comme ça. Là, je veux aller un peu plus loin dans chaque chanson. Tu veux les rendre à terme. Les peaufiner, ouais, c'est ça. Chacun va avoir sa propre vivacité, donc elle va pouvoir... Ouais, vraiment. Donc si j'ai cette chance d'avoir les moyens d'en enregistrer 12, génial. Ouais. Mais pour le moment... Mais c'est pas le but, tu sais pas encore. Non, l'important c'est que je préfère en avoir 5 qui trouvent leur public que 12 qui restent dans le tiroir. Ouais. Il faut qu'il y ait de la résonance. Et voilà, je vais me donner les moyens. Et j'ai beaucoup de... Comment on va dire ? L'espoir, c'est pas le mot. Je suis en confiance. Okay. Alors qu'avant, je ne l'étais pas. Là, je suis entouré de personnes qui me donnent cette confiance. Donc, ouais. Interminable. J'arrive. J'arrive. Interminable, c'est quoi ? C'est le disque ? Est-ce que c'est des concerts aussi ? C'est les deux. Okay. Ah oui, parce que moi, je ne conçois pas faire de la musique sans faire de scène. Non, il faut aller à la rencontre du public. Non, ça c'est très important. Et puis quand on sait qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile de faire écouter sa musique, d'une part il y a le disque qui meurt, qui est presque mort, hein. Pour passer en radio... Mais on dit ça pour le 33 tours, il faut faire attention, hein. Ça pour le vinyle, il sort bien. Donc c'est pour ça que je ne dis pas que c'est terminé, mais je dis pour le moment c'est pas très fort. Je dis que c'est pas fort, c'est pas évident. Non. Voilà, pour faire découvrir sa musique, il faut aller vers le public. Donc, vive les petites salles qui programment. Les producteurs, réveillez-vous. ne pensez pas que vous en êtes plein les fouilles. Il y a plein d'artistes talentueux. Moi, j'en ai rencontré plein qui méritent, qui galèrent. Mais je me dis, c'est quand même dommage. C'est fort ce qu'ils ont à dire. Il faut les aider, il faut les lancer. Donc, j'ai fait un mini-concert hier, j'ai organisé un mini-concert. Ouais, mais j'ai vu, je pouvais pas être là. C'est merveilleux, les talents qui étaient là. Il y a des artistes improvisés que j'avais même pas prévus, que j'avais pas placés sur... Oui, il y a certainement plein d'amis. Je suis toujours omnibulé par le grand talent et la diffusion si absente de ces gens-là. C'est aberrant. C'est aberrant parce que c'est 100 fois mieux le mini-concert que j'ai entendu sur la vie des abeilles que la merde que l'on entend à la radio. Je voulais pas le dire, mais en effet, les choix de certaines majors... C'est scandaleux. C'est scandaleux. Je dirais pas que c'est scandaleux parce que c'est pas tout. Je ne veux pas tout mettre non plus dans le même, Même sac. Mais... Non, mais hormis Flip et France Inter, le reste. Ouais, disons que je suis assez triste. Je suis assez triste de certains choix faits par. Ah, mais dis-toi une chose que Sarc Loret, qui est un. Pas personnellement, mais je connais de réputation, sa salle. Imagine, il rame autant aujourd'hui qu'il ramait dans les années 80. C'est tout à fait scandaleux. Là, il est parti là-bas à. Voyons le théâtre. Tout le monde est rendu là. Je connais le nom, mais je c'est ça, mais en tout cas, il y a plein de chanteurs comme ça qui sont quand même connus, mais qui en rament autant qu'un jeune. Ah, mais complètement. OK, actuellement, il est à Avignon, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Il s'est loué une salle avec plusieurs artistes. Ouais. Donc, Garance Aubin, que tu connais. Oui. Bon, c'est des gens que je connais qui sont venus faire des mini-concerts ici. Ouais. Avec Pauline Paris, une fille extraordinaire, Paris. Tu la connais? Alors, j'ai pas eu la chance de la programmer, mais je la connais. On me l'a fait découvrir. J'ai un bon ami qui était avec moi hier soir, qui s'appelle Edmond Magne, qui est une association qui s'appelle Musique, qui soutient les artistes. Elle fait partie des artistes qu'il soutient, ouais. Et qui qu'il aurait aimé. Ben, voilà. Elle joue à la radio constamment. Donc, ah oui. Pauline Paris. Il y en a tellement. Mais il y en a tellement. C'est pour ça que j'évite d'en citer, parce qu'il y en a plein d'autres qui vont m'en vouloir de ne pas les citer. Mais, ben, merci de ton passage. Avec grand plaisir, ouais, vraiment, c'est une belle rencontre. On va te diffuser, on va t'écouter, on va prendre des photos, on va faire un buzz. Ah, bah écoute, j'hésiterai pas à t'envoyer les liens des futurs. Oui. Musique. Oui, ouais, exactement. Avec Stéphane Fergus, on va t'envoyer ça. Je suis très curieux. La preuve, je suis ici avec toi et je rencontre plein d'artistes. Et c'est toujours enrichissant parce que il faut laisser, comme disait Trenet, la chance aux chansons. Mais oui. Il faut laisser la place à la musique. Puis il faut arrêter aussi de s'arrêter sur les noms que l'on entend trop souvent et qui aujourd'hui peut-être n'ont plus autant de résonance qu'avant. Les chanteurs et les chanteuses et les groupes qui font ce que la musique est, ben ne sont diffusés qu'en sourdine, et c'est ça la triste réalité. Voilà. C'est bien vrai. Mmh. Ouais. Vive la musique. Vive la musique. Vive la musique libre, pour paraphraser le général de Gaulle qui disait « Vive le Québec libre, vive la musique libre ». Et puis, à la Royeuse. Ouais, bah j'essaie peut-être un jour au Québec. Quand la mélancolie s'installe et qu'elle décroche mes soupirs, c'est là que je viens. Les escaliers du destin, au balcon de mes douces ivresses, que je me sens bien. Ici on sent encore ce parfum si léger, fait d'âme fleurie. Je viens croquer vos sourires, l'éclat d'un rêve sucré, mon éternité. C'est là que je reviens chercher l'espoir, que je recommence à y croire, tel un chercheur d'or. C'est là que je reviens chercher l'espoir, que je m'autorise à y croire. La complainte de la butte à jamais résonne dans tout Paris. Ces ondes me traversent, l'ombre des poètes plane sur mon corps. La bohème rôde encore, les bateaux, les artistes sont là réunis, tout misé sur un pari. Elle est là, ma sérénité. C'est là que je reviens chercher l'espoir, que je recommence à y croire, tel un chercheur d'or. C'est là que je reviens chercher l'espoir, que je m'autorise à y croire. C'est là que je reviens chercher l'espoir, que je recommence à y croire, tel un chercheur d'or. C'est là que je reviens chercher l'espoir, que je m'autorise à y croire, à y croire.